La saucisse la plus dure du quartier, ce sera dur maintenant de le regarder, sans sourire ou sans broncher, sans même transpirer, sans le jalouser. Maintenant que je sais que mon boucher à la saucisse épicée. Mais c'est surtout, tu le sais, la plus dure est pour frotter. Elle est sèche, mais lubrifiée. 8,67€ le gros bout, il y en a. Cette occasion à croquer, à saliver devant la saucisse du boucher. Faudrait pas les laisser plus longtemps exposer. La saucisse du boucher de mon quartier, c'est la plus sèche et la plus la partage. Pas laisser tenter. Will of Fusion. Il nous a écouté, il s'est barré. Il a pas eu. Thank you.

Thank you. Thank you. tous les manger. Tu vas tous les manger. Tu vas tous les manger. Tu vas tous les manger. Tu sais que tu vas tous. Yeah, man. Plus fort. Opération. Communication. Sous les bombes. Écran de fumée. Je t'ai rejoint, dans la. Sous les bombes d'information ici. Sous les bombes. Des bombes, nous sommes pas sous des bombes psychiques, nous sommes chimiquement attaqués, psychiquement démoralisés. Et nos pensées démoralisantes, démoralisées derrière les débrouillards. Nous sommes présents.